sous le sang de Jésus-Christ, chini Adamu ya Yesu Kristo, souviens-toi de chaque frère, ukumbuke kila ndugu, souviens-toi de chaque sœur, ukumbuke kila dada, nous nous approchons de toi, tunakukaribia wewe, avec nos requêtes, na mahitaji, avec zetu, nos manquements, na maukosefu, avec nos faiblesses, na mauzaifu, sous le sang de Jésus-Christ, chini Adamu ya Yesu, regarde-nous avec des yeux compatissants, utuangalie na macho ya huruma, et que ta main nous soit favorable, na upate kutukubali, permets Seigneur, uruhusu Bwana, par ta parole, kupitia neno lako, qui sera prêché et à travers ton esprit, na kupitia roho yako, accepte qu'au nom de Jésus-Christ, ukubali mchina Yesu Christo, que ceux qui ont des problèmes puissent avoir des solutions, jibu, que ceux qui sont malades expérimentent la guérison, utunzo, ceux qui sont réellement bien disposés qu'ils expérimentent aussi l'adoption. Mwana, nous croyons en toi, tunakuamini wewe, et nous nous recommandons à toi, na tunariachilia kwako, et tout en te recommandant lecture de ce soir entre tes mains, ibada ya mangaribi yu mikono yako, prends la prééminence Seigneur, uchugue utawale Bwana, parce que nous sommes à toi, kwani tuku bako, domine chacun d'entre nous, domine kilomo, domine nos pensées, utawale maïda, afin que Seigneur ta parole trouve place dans nos cœurs, neno lako ipate fasi, bénis chaque père, ubariki kila ndugu, bénis chaque sœur, ubariki kila dada, bénis l'église, ubariki kanisa, oh Dieu, oh, nous nous recommandons à toi pour la gloire de ton nom, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amina. Comme nous l'avions dit hier, Adam a été créé. Adam a aliumbiwa. Dieu créa l'homme à son image. Mungu aliumba mutu mupicha yake. Dieu dit, Mungu akasema, faisons l'homme à notre image. Ufanye mutu wa mpicha yetu. Selon notre ressemblance. Apate kufanana nasi. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Atawale pa masamaki ya bahari. Sur les oiseaux du ciel. Atawale yule ndege za anga. Sur le bétail. Atawale yule sur toute la terre. Pa dunia mzima. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Na pa banyama bote bakutambala pa dunia. Dieu créa l'homme à son image. Mutu mpicha yake. Il le créa à l'image de Dieu. Akamuumba mpicha ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mwanamke na mwanaume. Maintenant, quand nous lisons dans Genèse chapitre 5 comme on l'a lu, tukisoma mumwanjo sura 5 vile tulisoma, voici le livre de la postérité d'Adam. Tazameni kitabu ya uzao ya Adamu. Lorsque Dieu créa l'homme, wakati Mungu aliumba mutu, il le fit à la ressemblance de Dieu. Alimufanya afanane na Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mwanaume na mwanamke. Il le bénit. Akawabariki. Et il les appela du nom d'homme. Akawaita jina ya binadamu. Lorsqu'ils furent créés. Wakati waliumbiwa. Adam, Adamu, âgé de 130 ans, mwenye kwa na miaka umri mia 130 ans, engendra un fils, akazala mtoto mwanaume, à sa ressemblance, wa kufanana naye, à son image, mupicha yake, et il lui donna le nom de Seth, akampatia jina la Seta. Amen. Amina. Seth a été engendré à quelle image? Seth alizaliwa mfano gani, picha gani? Seth a été engendré à la ressemblance, de l'image d'Adam. Seth alizaliwa mfano mkufanana na picha ya baba yake Adam. Toi et moi, wewe na mimi, tout homme né de la femme, tout homme né de la femme, il est né à la ressemblance selon l'image d'Adam. Adam qui était tombé dans le péché. Adam qui était privé de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout homme né de la femme, il est né selon la ressemblance. Il est né à la ressemblance selon l'image d'Adam. Et tout homme né de la femme, quelle que soit sa politesse, quelle que soit son éducation, tout ce qu'il peut faire, il n'y a rien, absolument rien, que Dieu va agréer. Suivez-moi bien. Tout homme né de la femme, qu'il soit beau, qu'il soit poli, qu'il ait grandi en Amérique, qu'il ait grandi à l'internat, même s'il n'injurie pas, même s'il ne vole pas, comme il est né de la femme, selon la ressemblance d'Adam, il est privé de la gloire de Dieu, et Dieu ne l'agréera jamais. C'est pourquoi ne basez pas votre justice sur ce que tu es. Si tu veux baser ta justice, base ta justice sur ce que Jésus a fait pour toi. Et si vous voulez regarder ce que vous êtes, c'est déjà un échec. Regardez ce que Jésus a fait, c'est là qu'il y a la réussite. Comme nous étions engendrés à la ressemblance et selon l'image d'Adam, Adam privé de la gloire, Adam déchu de la grâce, lui à qui on a donné l'autorité, la domination, Adam a perdu ça, l'humanité a perdu ça, mais ce que l'humanité a perdu, aujourd'hui Dieu l'a redonné à l'église. Est-ce que vous le croyez? Si vous êtes de Dieu, vous avez l'autorité de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous avez le pouvoir de Dieu. Ce qu'Adam avait perdu, il avait même perdu la clé de dominer. À cause de la désobéissance, il a perdu la clé de dominer. Quand Jésus est venu, les frères et sœurs, il a tout payé. Il a payé le prix. Il a payé la dette. Et il est descendu en bas. Il est allé même récupérer la clé. Et quand il a récupéré la clé, il a donné à son église. C'est quoi il a dit? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Hakuna kitu kitatawala la kanisa. Kenye kinaweza kutawala kanisa ni sauti ya Mungu. Vibaya vinaweza kuingia mkanisa, me haviweze kubatia mkanisa. Kama kibaya kinaingia, kinapasha kutoka. Est-ce que vous le croyez? Est-ce mon ami ni filet? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce mon akubali? Que Yakwamba? Vous avez été engendré. Yakwamba muzalishwa. À la ressemblance d'Adam. Omufano ya Adamu. Selon son image. Ufatana na picha yake. Une ressemblance privée de la gloire de Dieu. Ah, kufanana kwa kwenye kuanguka tukufu ya Mungu. L'image déchue. Picha yenye kuanguka. Amen. Amina. C'est ainsi que Dieu devrait maintenant sasa relever ce qui était tombé. Alamushe ile ilianguka. Et il relève ce qui était tombé, c'est à travers maintenant l'œuvre de la rédemption. Mais on a la mouche qui l'ianguka kupitia kazi ya ukombozi. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'achever avec nous les gens des nations. Dieu est en train d'achever son œuvre de rédemption. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes à la fin du temps de la fin de grâce. Le temps de grâce que Dieu a accordé aux gens des nations, ça se termine avec l'âge de la Odyssée. Et l'âge de la Odyssée est clôturé avec l'enlèvement. Et ceux qui seront enlevés, c'est seulement ceux qui seront dans le corps de Christ. Et si vous êtes aujourd'hui dans le corps de Christ, vous allez comprendre tout ce qui se passe. Nous vous prêchons pour que si vous n'êtes pas encore arrivé, que vous puissiez y arriver. Tout ce qu'on est en train de chercher, l'argent, la beauté, l'intelligence, ce sont des futilités. Ces Ce sont des futilités. La chose la plus importante, soyez agréés par Dieu. Je vais vous lire quelque chose. À travers la réunion mensuelle de Krefeld du samedi 3 mars 2018. L'homme de Dieu dit ceci. Mutumishi wa Mungu anasema hivi. Page 4. Karatasi yake ya 4. Pas seulement le racheter, pas seulement le sauver. Apana tu benye kombolewa, apana tu benye kunoriliwa. Mais aussi le sanctifier. Alakini wenye kutakasiwa pia. Dieu ne nous a pas seulement racheté, mais il nous a aussi sanctifié. Mungu asifutukomboe bule, alakini alitutakasa pia. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa wa ndugu na wadada. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous êtes là? Wapendwa wa ndugu na wadada. Je suis en train de lire. Niko nasoma. Je vais essayer de lire pour encore faire asseoir certaines histoires. Tapima kusoma juu mpate kwa. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa wa ndugu na wadada. Nous vivons dans un temps dans lequel tout est renversé sur la tête. Tukunaishi mwakati mule vitu vyote banesho vibadilisha. Tout ce qui est faux vyote vya bongo est présenté comme étant vrai. Banabionekanisha sa vya kweli. Prenez par exemple uchukue kwa mfano le mariage que Dieu a établi. Ndoa ile Mungu aliweka. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ni nini nafanyika leo? Quelles sont les lois qui sont publiées aujourd'hui? Ni masheria kani wanatangaza leo? Où est le respect envers la parole de Dieu? Heshima mbele ya neno la Mungu iko wapi? Et même parmi les nations, hata katikati ya mataifa, soi-disant chrétiennes, yenye kujita ya Kikristo, et les partis chrétiens, na kipande ya Kikristo, aucun. Hakuna hata moja. Aucun ne s'occupe et ne respecte na yeshimu ce que Dieu a vraiment dit dans la Bible. Kile Mungu alisema kweli kweli Biblia. Tous font ce qu'ils veulent. Bote banafanya vile banapenda. Toi ma soeur, we dada yangu, tu ne dois pas faire ce que toi tu veux. Haupashi kufanya kile unapenda. Toi mon frère, tu ne dois pas faire ce que toi tu veux. Haupashi kufanya kile unapenda. Tous font ce qu'ils veulent. Même dans ces partis politiques chrétiens. Ils font tous et croient ce qu'ils veulent. C'est justement pour cette raison que Frère Branham a dit ce qui devrait être dit sur le couple et sur le mariage. Il a dit aux femmes ce qui doit être dit aux femmes. Il a dit au mari ce qui doit être dit au mari. Aucun homme sur terre n'a tout rassemblé, n'a tout résumé en ce qui concerne la vie naturelle et la vie spirituelle comme Frère Branham. Aucune personne sur cette terre n'a parlé, n'a réuni tout, n'a tout dit comme Frère Branham. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui avons la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Aucun homme sur terre. Hakuna mtu hata mwapa dunia. N'a tout rassemblé. Ashia kusanisha kabiot. n'a tout résumé en ce qui concerne la vie naturelle et la vie spirituelle. On n'a pas de confusion et on n'aura jamais de confusion parce que nous avions reçu la parole révélée de Dieu. Et celui qui a reçu la parole révélée de Dieu, il a reçu la volonté révélée de Dieu. Iko mu kanisa. Atutajongoza vile tunapenda. Est-ce que vous comprenez mes sœurs? Paul avait dit à Timothée, si je tarde à venir, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple désordonné, nous sommes un peuple ordonné. Il a parlé du vêtement des sangs des sœurs. Namna ile badada wanapasha kuvala. Namna ile badada wanapasha kutitwala. Le prophète que Dieu nous a envoyé dans cet âge, il a tout parlé. Il a parlé du maquillage. Aujourd'hui nous avons des sœurs qui se maquillent. C'est la mondanité. Le prophète a parlé de ça. Soyez naturels. Dieu est dans les naturels. Il a parlé des cheveux qu'on ne doit pas couper. Je suis en train de lire. Parce que nous parlons de l'adoption. Et Dieu doit nous agréer. On ne peut pas faire des choses. On ne n'importe comment. On ne peut pas vivre à Isoumou. Tout ce que nous devons faire, nous devons être agréables à qui? Comment tu connais les principes? Si nous avons ces principes, votre pasteur va travailler sans gémir. Pasteur Wenu atatumika bila kuugua. Et ça sera aussi une bénédiction pour l'église. Nayo itakuwa tena ni baraka kwa kanisa. Il a parlé. Alisema. Il a parlé de tout. Alisema yule ya bitu biote. Et mon ministère est plutôt la prédication de la parole de Dieu avec tous les conseils du salut de notre Dieu. Utumishi wa Mungu na neno la Mungu na shauri yote ya Mungu. Mais nous faisons bien quand nous lisons les prédications de Frère Branham. Et nous méditons là-dessus. Car Dieu veut de l'ordre dans sa maison. Et dans ce contexte, laissez-moi dire la chose suivante. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'il y en a qui croient que lors du retour du Seigneur, celui qui fume encore sera alors délivré. Atakuwa magugu. Atakuwa mwakati ya magugu. Huku bantu leo, tuko mkanisa, tuko wachakuliwa. Huko unafuta tumba, unasema unasema kwa Kristo huko unafuta tumbako, huko unafanya kana bashimilande ya kusema bile bintu bitaishaka wakati Yesu atafanya atakuya. Ce n'est pas ça l'enseignement apostolique. Si c'est ça l'enseignement apostolique, il n'y a pas de raison de venir à l'église. Hakuna sababu ya kuya kanisa. Je suis en train d'abord de lire. Niko nasoma tu. Laissez-moi Mwache dire la chose suivante. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu Tiana qui croit que lors du retour du Seigneur, wakati Bwana tarudia, celui qui fume encore, sera alors délivré. Ni wakati Yesu atakuyaka. Lorsque Jésus reviendra. Celui qui a encore certains liens. Ule angariki na makamba fulani. sera alors délivré lors du retour du Seigneur. Atakombolewa wakati Bwana atarudia. Non, non. Apana na apana. Non, non. Apana na apana. C'est maintenant. Ni hapa sasa. C'est maintenant. Wanzi hapa sasa. Seulement maintenant. Akatu hapa sasa. Suivez bien. La déclaration de l'homme fidèle et prudent. C'est maintenant. Ni hapa sasa. C'est maintenant. Wanzi hapa sasa. Alors maintenant, quand la parole de Dieu est prêchée, qu'elle est crue, c'est maintenant, tu dois expérimenter Dieu. C'est maintenant, tu dois expérimenter la délivrance. C'est maintenant que tu dois expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Tu dois vivre ta délivrance. La vie doit maintenant être transformée. Alléluia. La vie doit maintenant être transformée. Aina mambo ya kuchunga. Kama miranja kulandaka. Inafai leo. Bongo buishe. Est-ce que vous comprenez? Et si mon aéléwa? Kama wingari kuna kunywa mpombe. Tu continues encore à boire la. Inafai leo. Il faudrait aujourd'hui. Kama kuna chunga kurudi kwa Yesu. Tu attends le retour. Inafai leo. Il faudrait qu'aujourd'hui. Kunywa mpombe kuishe. Que tu arrêtes de boire l'alcool. Kama kuna kiburi. Si tu es orgueilleux. Inafai leo. Aujourd'hui. Wakati unasikia sauti ya Mungu. Inafai leo kiburi kifanye nini? Kiishe. L'orgueil s'arrête. Aujourd'hui, on a affaire à des frères qui paraissaient être saints, mais aujourd'hui, ils sont dans des vies sales. Et on cherche à se justifier. Et on cherche même à justifier cette vie-là. C'est la séduction. Et on ne doit pas permettre ça. Tu dois vivre ta délivrance. La vie Maisha doit maintenant être transformée. Lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est seulement le corps qui sera transformé. Mais, alakini, avant que ton corps ne puisse être transformé, il faut que ta vie soit transformée. Le ciel Bingu est un lieu saint. Il n'y a rien de souillé. Il n'y a rien de faux qui pourra y entrer. On doit déjà, dès maintenant, dire la vérité. Pour que quelqu'un ne se trompe pas. Est-ce que vous écoutez? Notre Seigneur lui-même a dit. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Celui qui vient vraiment au Seigneur. Et tous ceux qui viennent à lui. Ont vraiment reçu les choses pour lesquelles ils sont venus. Dieu ne peut pas se tromper, mes frères et sœurs. Dieu est lié à sa parole. Même quand tu es venu à la prière, tu dois croire que ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te l'a donné. Est-ce que vous le croyez? Il n'y a personne Akuna mtu hata moja qui est parti comme il est venu. Ula rienda kabila rikujaka. Bien aimé frères et sœurs. Mapendo nduku na dada. C'est important maintenant. Ni amafa hapa sasa. Chacun kila mmoja de nous wetu fasse afanye les expériences du salut. Maonjo ya okovu. C'est important que maintenant chacun de nous fasse les expériences du salut. En commençant par la repentance, la conversion, la nouvelle essence, le baptême du Saint-Esprit et même le scellement du Saint-Esprit, aujourd'hui chacun d'entre nous doit les expérimenter. Qui attend, qui veut aller au ciel? Tout celui qui veut aller au ciel. Aujourd'hui déjà, kwanzia leo, il doit anapashwa faire les expériences du salut. Ufanya maonjo ya wokovu. Et nous sommes dans l'âge natukumu kisazi où Dieu est en train d'achever. Mule Mungu eko na maliza. Nous sommes dans l'âge de l'achèvement. Tukumu kisazi ya kumaliza. C'est pourquoi je pense qu'on nous a prêché même sur la stature de l'homme parfait. Donc Dieu est en train de coiffer l'œuvre qu'il a commencée. Celui qui a commencé l'œuvre en toi, il doit l'achever. Et il l'achève avec le scellement. Écoutez, qui croit qu'il est une lettre vivante, une lettre écrite. Nous sommes des lettres écrites, non? Si par le révérend peut être là, tu peux être son secrétaire. On appelle quoi mon dieu wake. On a ouais toi secrétaire wake. Tu peux être son secrétaire. Il te dit écris une lettre. Ana kwambia semoni andike barua. Que tu dois envoyer moi je sais pas à telle société. Il n'a pas utuma au kampuni fulani. Et dans cette lettre il doit y avoir ça. Mwile barua mna pas kwa hivi na bile. Quand tu écris. Wakati kunaandika. Tu vas lui donner la lettre. Utampatie ile barua. Donc quand il lit, wakati na isoma, pour qu'il puisse signer, jua pate kutia saini, scellé, na kutia il faut que ce qu'il lise là reflète ce que lui avait. Inapashi ile kunasoma ipate kuonesha ile alikwambia. Si ça ne reflète pas, kama ionesha ile, il ne va pas sceller la lettre. Aye, achezi kutia muri. Il va te la retourner pour te dire va corriger. Ata kurudishia ile barua sema oui, va dirige. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Jua kile Roho Mtakatifu kwa kufanya. Nous sommes des lettres. Tuku mabarua. Et quand Dieu est en train de te lire, wakati Mungu anakusoma, tu dois refléter sa volonté parfaite. Quand tu reflètes sa volonté parfaite, alors il va sceller la lettre. Je suis en train d'utiliser un langage thérapeutique. Est-ce que vous avez compris ce que nous avions lu? Ainsi, mes frères et sœurs, celui qui nous a connus d'avance. Quand vous lisez dans ça, il y a deux actions. Connaître d'avance. Être prédestiné. Ça c'est dans le passé, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Donc ce sont des actions qui se sont faits dans le passé. Ni matendo ilifanyika kuisha pita. Ce sont des actions qui se sont faites avant que le monde soit là. Ni matendo ilifanyika mbele ya dunia ikuwepo. Maintenant, dans le présent aujourd'hui, sasa, hapa, sasa, leo, il y a une action qui doit être faite. Amen. Amina. Aujourd'hui, leo, le présent c'est quoi? Leo, hapa, le présent est que toi, manake, ni wewe, toi qui es l'élu, le présent est que hapa, sasa, ni tu puisses être semblable à l'image de Jésus-Christ. Dites Amen. Fema amina. Relisons cela. Tout ce monde ne il est. Verset 29, Romains chapitre 8. Warumi munane makumbi na tisa. Ceux qui l'ont connu d'avance. Barali tanguria kujua zamani. C'est dans le passé, n'est-ce pas? Mzamani. C'est dans le passé. Ni matendo ya chapita. Il les a aussi prédestinés. Alitangulia tena kubatayarisha. C'est dans le passé. Mambo yashapita. Maintenant dans le présent aujourd'hui. Sasa ya leo. Dieu qui nous a connus. Mungu alitujua. Avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia. Dieu qui nous avait déjà prédestinés. Mungu alitangulia. Avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia. Aujourd'hui. Leo. Nous devons être. Tunapashikua. Nous devons être. Tunapashikua. Semblable. Wenye kufanana. À l'image. De son fils. Voilà. Joile. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. C'est sur ça qu'on doit travailler. Et Dieu aujourd'hui, il est en train de travailler. Pour que chacun d'entre nous, Dieu à qui le moment j'ai catiqué hier, pour que les élus de Dieu, Dieu va te ouler à Mungu, puisse être, va pas te coua, semblable, venir vous fanana, à l'image, la picha, de Christ, ya Christo, c'est clair, tikuwazi, est-ce que c'est clair, et tikuwazi, c'est quand on arrive à ça, wakati unafika kuikimo. Quand on arrive à ça, wakati unafika muikimo, que Dieu nous accepte, Dieu parle Mungu na tukubali. C'est quand on arrive à ça. Wakati unafika muhikimo. Dada. Masa. Kwanjia leo. Désormais. Tosha mukinywa yako. Ote de ta bouche. Tosha mumawazo yako. Ote de tes pensées. Ya kusema. Disant. Mie njo vile mine kalaka. C'est comme ça que j'ai toujours été. Frère. Nduku yangu. Tosha mukinywa yako. Ote de ta bouche. Ya kusema. Mie abaniwezaje. Jo vile barinizalaka. Kama ule mkukuna ile mistemo. Si de kusema aujitayarisha pa. Ule kwa mwenye kuitwa kwa Mungu. Eko na jitayarisha. Il se prépare. Chuaza kusema njo vile mine kalaka. Mita kombanisha jile mine kalaka. Purke nukuye jile Mungu anapenda. Eske se clair. Mita kombanisha jile mine kalaka. Purke nukuye jile Mungu anapenda. Oh, mie kweto wani wezachi. Moi chez nous on peut pas me dominer, hein. Baba yangu shukuruweza pana. Hata mama yangu shukuruweza. Même mon père m'a pas réussi. Jo vimine kalaka. C'est comme ça que j'ai toujours. Sasa huu unakuwa kukanisa kufanya. Et alors, tu viens à l'église pour quoi faire? Et Dieu. Na Mungu. Il est en train de travailler aujourd'hui. On a tumika leo. Il va placer sur ce chemin. Anakuweka mwinjia. Le chemin que lui-même a frayé. Le chemin que lui-même a frayé. Pour que tu arrives à ta destinée. Destinée divine. C'est être semblable à l'image de Jésus-Christ. C'est un chemin frayé. C'est un chemin frayé. C'est pas un homme qui a frayé ce chemin. C'est Dieu lui-même. À travers Jésus-Christ, il a frayé ce chemin. Et il t'a pris, il t'a placé pour que tu arrives à l'objectif. Église, est-ce que vous êtes là? Et kanisa munafuata? Sur ce chemin. Point de lion. Amuna simba. Quand Jésus avait dit. Wakati Yesu alisema. Père. Baba. Tout est à. Yote inati. Tout est accompli. Yote natimilika. Le voile. Pazia. Le voile. Pazia. S'était déchiré. Ilipasuka. C'est-à-dire. Manake. Nous avons la possibilité. D'arriver là où se trouve Dieu. Fika pale peko Mungu. Nous avons cette possibilité. Et Dieu nous a tout donné. Pour qu'on puisse y arriver. Ce soir. Ma soeur, mon frère. Il y a une échelle. Il y a une échelle qui lie la terre et le ciel. Tu as la possibilité, par la parole que tu écoutes, de monter à l'échelle, de dire à Dieu, et Dieu va te donner. Il y a une échelle. Il y a déjà une communication. Ce qui était brisé, Dieu a déjà rétabli ça. Celle qui établissait, il est établi, Dieu a déjà l'établi. Parce que quand l'homme avait péché, Dieu l'avait chassé de sa présence. Et l'homme partait. Il était couvert de la peau d'un animal. Le sacrifice que Dieu avait donné, qui préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ. Et quand il partait, le sang coulait. Le sang coulait. À travers le sang, Dieu devrait se souvenir de l'homme. Dieu devrait se souvenir de l'homme pour encore le ramener. Par le sang, par le sacrifice, nous sommes encore ramenés. Et la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous aide à parvenir. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide vraiment. C'est pourquoi l'objectif de ce message, c'est faire paraître les fils et les filles de Dieu. L'objectif du message biblique du temps de la fin, c'est faire paraître les fils et les filles de Dieu. Et ce message, quand il était venu, les gens nous pointaient. Les gens avaient de bons témoignages. Partout où vous pouvez se trouver, quelqu'un qui croit ce message, les choses tremblaient. On ne pouvait pas nous pointer dans le mal. On nous respectait. On nous respectait. Si on a besoin de travailleurs, on venait chercher les travailleurs au tabernacle. Si on a besoin de bons domestiques, on venait les chercher au tabernacle. Si on a besoin de bons infirmiers, on venait les chercher au tabernacle. Aujourd'hui, où est parti ce témoignage? Alors que nous vivons à l'aube du retour de Jésus-Christ. Unaishi karibu na kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Et cet objectif, na hiki fuguzio, l'objectif le plus élevé, kifuguzio ya juu kabisa, du message biblique de temps de la fin, ya ujumbe wa Biblia wakati ya mwisho, c'est faire paraître le fils et fille de Dieu. Kuonekanisha watoto wanaume na wanawake wa Mungu. Et c'est pourquoi cet objectif, kwa maana hii kifuguzio, est relié au rétablissement de toutes choses. Na kurudishwa kwa vitu vyote. Je lis encore. Niko nasoma tena. Église, est-ce que vous êtes là? Eti kanisa mko nafuata? Lettre circulaire 56. Barua kuzunguka namba 56. Page 10. Kartasi Yakumi. Il dit ceci, il est dit ceci. Banasema hivi. Voici la teneur du message. Tazameni uzito ya ujumbe. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Tokeni katikati yabo. Et séparez-vous. Na mujitenge. Dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema. Et ne touchez pas à ce qui est impie. Mushiguse kwa kenye kwa kichafu. Et moi, mimi, je vous recevrai. Na mipokea. message ne nous a pas été donné pour se prêter à la discussion. Mais il est au contraire relié à l'objectif le plus élevé des temps de la fin. L'objectif le plus élevé de temps de la fin et l'objectif le plus élevé de l'adoption. Aujourd'hui sur cette terre, Dieu a des fils et des filles que lui-même a déjà adoptés et il les a placés dans le corps de Christ. Et c'est là qu'il y a la sécurité. En dehors du corps de Christ, il n'y a pas la sécurité. C'est uniquement dans le corps de Christ. Nous sommes devenus ici et pour entrer dans le corps de Christ. Sortir pour entrer. C'est ça même la rédemption. Si on n'entre pas, on n'a pas expérimenté la rédemption. Sortir pour entrer. Nous sommes sortis du monde. Nous sommes sortis des dénominations. Nous sommes sortis de nous-mêmes pour entrer dans le corps de Christ. Et c'est pas la main d'un prédicateur qui va te faire entrer. C'est pas la main d'un prédicateur qui va te faire entrer. Il continue ici. De plus, Zaidi tena, ce n'est utile à personne. Aina ya mafa kwa mutu. De t'en parler, ya kukwambia yo, répéter sans cesse, na kupituluka mobila kuacha, le prophète, oh, le prophète anasema, nabia anasema, puis cependant, japo, présenter sa propre version du message, onesha kuona kwake kwa ujumbe, comme malheureusement cela est arrivé dans le monde entier, waole, paka vile vinafika mudunia mzima. Il s'agit au contraire qu'après avoir apporté la parole révélée, que la volonté révélée de Dieu soit faite parmi le peuple de Dieu. J'aimerais qu'à ce point, que chaque frère dise Amen. J'aimerais qu'à ce point, que chaque soeur dise Amen. Est-ce que vous voyez cela? Il s'agit, au contraire, qu'après avoir apporté la parole révélée, que la volonté révélée de Dieu soit faite parmi le peuple de Dieu. À toi, je suis n'importe comment. C'est pourquoi il n'y a pas de scellement aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'adoption. Parce que les enfants de Dieu vivent en désordre. Il continue de dire. Mes soeurs, est-ce que c'est clair? J'apprécie vraiment notre pasteur. J'ai copié quelque chose. Le verra. Quand je vais rentrer chez moi, je vais le faire aussi. Je vais donner à mes enfants des cahiers. Oui, Dio, ça aide. Ikuna saidia. Quand nous voyageons, nous apprenons aussi. Tukuna jifunza na sisi pia. Dans la maison de votre pasteur. Munyumba pastori wenu. Ces enfants sont ici, n'est-ce pas? Batoto yake beko hapa ina file. Le soir, le culte du soir. Ma ibada ya mangaribi ya kunyumba. Chacun d'abord, il parle de ce que lui a reçu de la parole qui a été kila mmoja kuna sema kubila alisikia kwa mahubiri alifuata j'ai participé au culte na alishiriki kwa ibada ah c'est merveilleux ni adamani ya mzuri et quand j'entends vraiment wakati, les soeurs parler de ce qui a été prêché avec on a sema yule abile bali hubiri j'ai dit seigneur nikasema bwana que la gloire te retourne utukufu kurudirie parce qu'en faisant ça bwana mkufanya hivi les enfants batoto ils sont en train de marcher et quand ils viennent à l'église wakati, ils sont attentifs pour chercher à écouter de la part de Dieu. Écouter de la part de Dieu, c'est recevoir. Écouter de la part de Dieu, c'est recevoir. Comment est-ce que les gens deviennent aussi des docteurs? C'est en apprenant, non? J'apprécie ça. Je vais aussi le faire. Dès que je vais arriver, je donne aux enfants les cahiers. Nikisha kufika tapatia watoto makahiers. On va à l'église. Tunaenda kanisa. Chacun aussi. Kila mmoja na. Fais l'effort pour écrire. Apa fanye nguvu ya kuandika. Vous venez le soir à la maison. Kila mangaribi kunyumba. Dans les cultes du soir. Uibada mangaribi. Que chacun me dise ce que Dieu lui a dit. Kila mmoja niambie kile Mungu alimwambia. Vous allez prier comment si vous n'avez rien. Uliomba namna gani kama unara kitu. Il faut que je puisse avoir quelque chose. Nafasi nikuwe na kitu. Que Dieu m'a donné à travers sa parole. Là je vais prier. Même au courant de la journée, je vais commencer à chercher Dieu. Aide-moi à être selon ce que toi tu as dit. Mais aujourd'hui, nous avons des croyants oisifs. Lettre circulaire, toujours 56. Suivez bien. Barua kuzunguka paka ile namba 56 mfuate. C'est ici. Ni hapa que nous trouvons. Je parlais tout kunapata la leçon. La plus importante pour notre vie spirituelle. Vous êtes là? Et tu m'as fait ça? Le ministère du prophète promis. Ya Nabi ule badlaka est donc relié inaungana à la promesse na malako que ya kwamba toute chose vitu vyote toute chose vitu vyote doivent être rétablies. Alléluia. Amina. Toute chose vitu vyote doivent être rétablies dans leur juste état. Mwali yavya kumwanje. On ne voit encore rien de cela nulle part. Abione kane fazi ingine. Au contraire, le chaos est devenu plus grand. Or, conformément à Actes 3:21, il faut que le ciel reçoive Jésus jusqu'à ce que la promesse du rétablissement de l'ordre divin du salut soit accomplie. Nini ikona jamisha enlèvement. Qu'est-ce qui empêche kunyanyuliwa? Jésus est monté au ciel. Yesu alipanda kumbingu. N'est-ce pas? Aina vile? Et la Bible dit la Bible inasema que Jésus-Christ ya kwamba Yesu Kristo. La Bible dit Biblia inasema repentez-vous tubuni et que chacun de vous na kila mmoja wenu soit converti ageuke afin que ili ya kwamba le temps de rafraîchissement wakati ya ubaridi vienne de la part ipate kurudia kwa upande wa Bwana et qu'il vous envoie na apate kumitumia c'est lui qui vous a été destiné ule bali milaka Jésus-Christ Yesu Kristo que le ciel ule mbingu doit garder anapashi kuchunga jusqu'au temps ufika na wakati rétablissement ya kurudisha de toute chose. On a posé la question à Jésus-Christ. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus de sa propre bouche, il a répondu, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et dans le rétablissement de toutes choses, il y a l'ordre divin du salut. Et puis il y a l'ordre biblique de l'église. Usao ya kibiblia ya kanisa. On ne respecte pas ça. Abaya biheshimu hapana. On ne respecte pas ça. Aba biheshimu l'ordre biblique de l'église. Usao ya kibiblia ya kanisa. Il y a l'église universelle. Ya kukanisa ya ulimwengu mzima. Il y a aussi l'église locale. Na kukanisa pahali. Et puis il y a l'ordre divin du salut. Usawa ya kimungu ya okovu. Et dans l'ordre divin du salut, usawa ya kimungu ya okovu, si réellement nous sommes rétablis dans kama ça, kweli kweli tunesharudishwa mwile, on ne s'habillera pas n'importe quoi. Hatuwezi kuvala aizuru namna gani. On n'agira pas n'importe quoi. Hatuwezi kutenda aizuru namna gani. Parce que je suis rétabli. Kwani mimi nesharudishwa. Pour que je sois dans l'état original. Nipate kwa mwile. Niko mtu. Niko natembea. Mais niko naishi pa mulongo. Hapana na volonté ya kwetu. Hapana na volonté ya mama. Hapana la volonté ya baba. Hapana la volonté ya directeur. Je vis avec la volonté de Dieu. L'ordre biblique de l'église. Usawa ya kibiblia ya kanisa. Les diacres. Bashemashi. Les anciens. Waze. Les administrateurs. Wazamini. Amen. Amina. Les trésoriers. Na wachungazina, watumishi. Nous sommes rétablis. Tunesharudishwa. Amen. Et si réellement nous sommes rétablis, kama kweli kweli tunesharudishwa, nous allons bien garder. Nous allons bien garder l'église de Dieu vivant. Tutachunga mzuri kanisa ya Mungu. Hakuta kuyaka fujo. Inyora chame de trouble. Kama mtu anatoka mkanisa, si quelqu'un sortait de l'église, kanisa yenye iko établi, iko déjà mise en ordre, l'église qui est déjà ata anasema je ule mtu ni wabongo, cet homme là c'est il n'y a aucune raison qui peut nous faire sortir de l'église déjà établie. Hakuna sababu hata moja kutosha mkanisa ya Mungu ile aliweka, kwa sababu mambo yote inaweza kufanyika mkanisa. Mungu anaweza kutonesha namuna ya kutenda. Comment il faut agir. Amen. Amina. Mungu anaweza kutonesha namuna ya kutenda. Montrer comment il faut se comporter. A rapport avec l'église locale. Ufatana na kanisa ya pahali. Hier j'ai parlé de quelque chose. Jana nalisemea yule ya kitu fulani. Obéissez à vos conducteurs. Muti biongozi yenu. Peut-être ça pouvait te tiquer. Kazi nyingine inaweza kushitusha. Écoutez. Sikiliza. Dans la prédication Hébreux chapitre 7. Mumaubiri wa Ebrania sura 7. OK. Mzuri. Hébreux chapitre 7 deuxième partie. Mumaubiri wa Ebrania sura 7 kipande ya pili. Du 29/1957. Ya 29/1957. Maintenant. Sasa. Pour en venir à ce cher message béni que nous avons, ce cher message béni, je veux maintenant que vous sachiez cela. C'est enregistré sur bande. Souvenez-vous-en. Ce message. Et les enregistrements sur bande de l'église. Na matepe yulia va kanisa. Les enregistrements sur les ordres. Matepe yulia usawa. Les enregistrements sur les règles de l'église. Yulia makanuni mukanisa. Se trouve sur bande enregistrée. Inapatikana pa matepe ile baribamba. Voilà qui est conforme à la Bible. Jo yenye kuambatana na Biblia. Nous ne dirigeons pas la chose. Si si tu si ongoze kitu. Nous ne dirigeons pas la chose. Si si tu ongoze kitu. Il n'y a personne à la tête. Hakuna mtu kichwa. Nous sommes tous égaux. Shibote tuko pamoja. Nous sommes tous égaux. Shibote tuko pamoja. Nous sommes tous des frères. Shibote tuko banduku. Nous sommes tous des sœurs. Shibote tuko badada. Pas n'importe quel frère. Hapana nduku wote. Nous sommes tous des frères en Christ. Tuko banduku bote. Nous sommes tous des sœurs en Christ. Shibote tuko badada katika Kristo. Nous sommes tous égaux. Shibote tuko pamoja. Mais alakini, ça c'est un rapport avec l'église locale. Ni yenye kuangalia kanisa pahali. Mais alakini, nous avons un chef. Tukuna mkubwa, chefu. Je vous dis amen. Dites amen. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas les enlever. Frère, il y a toujours une relation entre berger et brebis. Il n'y a aucune brebis qui doit être sans berger. Aujourd'hui, tout le monde a des ordres parce que Bantu. Mais qu'on est même au-delà de ce que leur berger leur dit. Aujourd'hui, nous avons des désordres du bantu, mais qu'on est India qui les mchungaji. Et on a beaucoup de difficultés parce que les gens n'écoutent même pas les instructions que leur berger leur donne. Nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? Vous savez, amen. Nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? Mais nous avons un chef. Nous avons un chef. C'est le pasteur. Aussi longtemps qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Il a peine de les citer, amen. Entendre les amen. L'adoption, c'est relatif au rétablissement de toutes choses. Et dans le rétablissement de toutes choses, il y a l'ordre divin du salut et il y a l'ordre biblique de l'Église. Sur le plan local, si vous êtes tout à faire, si vous êtes tout à faire, et vous canissez à Yapani, tout le monde est chez Fouillette, chez le pasteur, aussi longtemps qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que au-dessus du pasteur, il n'y a pas l'archevêque. Au-dessus du pasteur, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, à travers le pasteur, il conduit l'Église. Il amène l'Église vers la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous l'achetez? Est-ce que vous entendez? Il me dit, tu n'as pas indiqué les miens. Il faudrait que ça s'assoive correctement. Si ça ne suffit pas, je vous donne un autre témoignage. La divinité expliquée. On va arrêter. Tutasimamisha. Divinité expliquée. Du 25-4-1961. Paragraphe 53. J'aime ça, vous voyez. Minapenda hivi, munaona. Parce que je crois que c'est apostolique. Kwani mimi napenda kwamba ni ya kimitume. En effet, kwa kuwa le chef, chefu, l'ordre le plus élevé de l'Église. Kimo ya juu kabisa ya kanisa. C'est le berger. Ni mchungaji. Je vous sais m'amène. Dit amen à cela. Comment si l'église locale, vous avez cette révélation, vous allez bien garder votre berger. Parce que vous allez dire que dépendre de ce que Dieu a placé à parvenir, ça dépend de ce que Dieu a placé à lui. Kufika kwetu. Notre arrivée. Ouais, au baptême du Saint-Esprit. Ça dépend de ce que Dieu aussi a mis en lui. Unangalia na kile Mungu aliweka ndani yake. Sasa kama niko na ile révélation. Si j'ai cette révélation mon frère. Je ne sais pas. C'est quel respect que j'aurai. C'est quelle considération que j'aurai. Je ne sais pas. C'est là où tout le monde a dénigré. Sur le plan local. Nous dénigrons nos bergers. On ne veut pas les écouter. Il y a des discussions. Comment est-ce qu'on va même arriver à l'adoption? Le chef. Chef. L'ordre le plus élevé de l'église. C'est le berger. Nous comprenons ça. Le pasteur. Si un évêque ou quelqu'un d'autre est là pour ôter au pasteur sa révélation, alors comment Dieu pourrait-il agir dans son église? Et Tibikouazi, selon la prédestination, selon la présence de Dieu, Mungu yeye anaangalia kwa Mungu. Anasema Mukambova. Dieu a dit Kakambova. Mukambova. Makambova. Ule minaona. Celui que je vois. Sengo indai. Ningo indai. Si tu chiques choix ya Mungu. Acceptons les choix de Dieu. Si tu estimes les choix ya Mungu. Si tu soutenir choix ya Mungu. Soutenons les choix de Dieu. Si l'église nous marchons de cette manière-là, vous allez voir que ce soit les pasteurs, que ce soit l'ancien, que ce soit même les diacres, il va monter ici, il va donner une petite exhortation. Dieu va confirmer cette parole-là. Dieu va le faire. Et le peuple sera béni. Quand le pasteur est dans la joie, le ciel aussi est dans la joie. Quand le pasteur est satisfait, le ciel aussi est satisfait et l'église sera bénie. Voilà. Joville. Mungu tusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide vraiment. On va arrêter. Tutasimamisha. Ainsi mes frères et sœurs. Hivi banduku na badada. L'objectif le plus élevé de ce message. Kifunguzio kia juu sana kia ujumbe. Je pense que je viens de le lire. Na wazia mimi natoka mkuisoma. On a vu ça? Tuliisoma. Est-ce qu'on a vu ça? Yeti tuliisoma. Dio. Voilà. Dio. L'objectif le plus élevé de ce message. Kifunguzio kia juu kabisa kia ujumbe. Faire paraître les fils et les filles de Dieu. Konekanisha batoto banamuke na banaume ba Mungu. Batoto banamuke ba Mungu. Les fils et les filles. Batoto banaume ba Mungu mukambo. Akambo. Mulikasi. Alikasi. Banje konekana. Qu'il soit paraît. Na ile est là. Il correlie aussi au rétablissement de toutes choses. Na kurudishwa kwa vitu vyote. Et le rétablissement de toutes choses. Il y a l'ordre divin du salut. Et il y a l'ordre biblique de l'église. Il n'y a personne, absolument personne, qui est né en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes tous nés en tant que des enfants des hommes. Par l'adoption, Dieu nous accepte en tant que ses fils et ses filles. C'est pourquoi tout ce qui est né de la chair n'entrera pas au ciel. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et si tu demeures dans l'état où tu as été né, tu n'entreras pas et Dieu n'intégrera jamais. Nous devons travailler. On doit travailler pour que Dieu nous agrée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde ses bénédictions. Toi qui avais un problème, au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne la réponse. Toi qui es malade, que le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Et que par les bénédictions de Jésus, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'ai remis la chair au pasteur.